J'ai vu des nuits sans horizon, des regards perdus sans raison, des tables vides, des mains gelées, des promesses mortes dans la fumée. Chaque stream devient un aveu, un miroir sale, un cri nerveux. Je suis Rider's Kill, voix dans le noir, un feu fragile mais un espoir. J'ai parlé seul face aux écrans, mes mots jetés comme du sang. Chaque viewer rare est un phare, mais trop souvent la mer est noire. Le temps me ronge mais je tiens, chaque rime frappe comme un point. Même effacé je laisse des traces, chaque silence devient menace. I am the fragment left behind. Half thunder, half lullaby. The fire I call my own. Born of silence, carved in flame. Written in scars, in truth I am Rider's Kill, eternal. And I rise because of you. J'ai vu des rêves mourir d'usure, des vies pliées par la blessure. J'ai vu des sourires se briser sous des dettes qu'on ne peut payer. Moi je parle même quand ça pèse, même quand la honte me traverse. Chaque mot devient une armure, chaque verre une déchirure. J'ai vu des frères trahir leurs frères pour quelques pièces, pour un verre. J'ai vu des sœurs cacher leurs larmes derrière des murs sans une arme. Je suis Rider's Kill, l'ombre tenace. Chaque phrase brûle chaque trace. Même seul je marche dans vos ruines, chaque silence devient doctrine. I am the fragment left behind. The rhythm carved in stone. Half thunder, half lullaby. Sous la tempête, je tiens debout, même si le monde me crache tout. Chaque regard devient jugement, chaque pas pèse comme un serment. J'ai vu des vies partir en fumée, des prières mortes à jamais. Mais ma voix perce dans le temps, un cri sincère. I am the fragment left behind, the rhythm carved in stone. Half thunder, half lullaby. The fire I call my own. Born of silence, carved in flame. Written in scars, in truth I am Rider's Kill, eternal. And I rise because of you. I am the echo through your pain, the heartbeat you can't let go. Half tempest, half lullaby, the voice you'll always know. Made of passion, carved in scars, written in blood. In truth, I am Rider's Kill, eternal. And I rise because of you. Sous les étoiles je marche encore, chaque je suis Rider's Kill, je suis la flamme, le son qui jamais ne s'éteint dans l'âme. Même si le monde ferme les yeux.